Ouais, tu m'entends toujours, hein? Attends. Ouais, c'est bon. Ouais, t'es toujours là? Est-ce que t'entends l'effet de la guitare? Attends, je vais mettre un son saturé, tu me dis si t'entends l'effet de la guitare. Attends. Je vais mettre un son saturé. T'entends? T'entends le son saturé ou pas? Non, t'entends pas? Attends. Merde, putain. Oh putain, c'est pas bon ça en fait. Ouais, en fait, je peux pas mettre des effets. Je peux mettre des effets si faut que je bidouille en fait. Attends, je fasse un truc et j'arrive.